Jean chapitre 12. Jésus donc, 6 jours avant Pâques, vint à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort, et qu'il avait ressuscité des morts. Et on lui fila un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie ayant pris une livre de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas Iscariot, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui à qui il devait arriver de le trahir, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, et cet argent donné aux pauvres ?» Or il dit cela, non point qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron, et qu'il avait la bourse, et portait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse-la faire, elle l'a gardé pour le jour de l'appareil de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Et de grandes troupes des Juifs ayant su qu'il était là, y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Sur quoi les principaux sacrificateurs, résolurent de faire mourir aussi Lazare. Car plusieurs des Juifs se retiraient d'avec eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. Le lendemain une grande quantité de peuple qui était venu à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prirent des rameaux de palme, et sortirent au devant de lui, et ils criaient, « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, suivant ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le poulain d'une ânesse. » Or ses disciples n'entendirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus fut glorifié, ils se souvinrent alors que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. Et la troupe qui était avec lui, rendait témoignage qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre, et qu'il avait ressuscité des morts. C'est pourquoi aussi le peuple alla au-devant de lui, car ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Sur quoi les pharisiens dirent entre eux, « Ne voyez-vous pas que vous n'avancez rien ? Voici, le monde va après lui. » Or il y avait quelques Grecs entre ceux qui étaient montés pour adorer Dieu pendant la fête, lesquels vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent, disant, « Seigneur, nous désirons de voir Jésus. » Philippe vint, et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perdra, et celui qui aime sa vie en ce monde, la conservera jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera celui qui me sert, et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Ô Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors une voix vint du ciel, disant, « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Et la troupe qui était là, et qui avait ouï cette voix, disait que c'était un tonnerre qui avait été fait, les autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus prit la parole, et dit, « Cette voix n'est point venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est venu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. » Or il disait cela, signifiant de quelle mort il devait mourir. Les troupes lui répondirent, « Nous avons appris par la loi, que le Christ demeure éternellement, comment donc dis-tu, qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?» Alors Jésus leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha de devant eux. Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. De sorte que cette parole qui a été dite par Ésaïe le prophète, fut accomplie, « Seigneur, qui a cru à notre parole, et à qui a été révélé le bras du Seigneur ?» C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, à cause qu'Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient point de leurs yeux, et qu'ils n'entendent du cœur, et qu'ils ne soient convertis, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses, quand il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant plusieurs des principaux même crurent en lui, mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés hors de la synagogue. Car ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Or Jésus s'écria, et dit, « Celui qui croit en moi, ne croit point seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles, et ne les croit point, je ne le juge point, car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge, la parole que j'ai annoncée, sera celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites.